Bulletin numéro 2. Le beau temps continue sur toute la France. Du soleil, du soleil, du soleil. Il ne pleut pas depuis 15 jours. Hier, les températures ont battu un record. 36 degrés à Marseille et à Perpignan à 17 heures. Le nord et l'est n'ont pas connu non plus la fraîcheur. C'est le temps idéal pour prendre son maillot de bain et pour aller à la plage ou à la piscine. Attention aux coups de soleil et aux insolations.